إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc aujourd'hui on explique la quatrième partie du livre de Sheikh Manhaj ou Sheikh al-Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab fait ta'lif, la méthodologie du Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab dans sa façon d'écrire les livres qu'il a écrits. Et on a expliqué donc au dernier cours le dernier point, c'est-à-dire la méthodologie du Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab dans les écrits qu'il a composés sur le fiqh. Donc on va lire la suite maintenant, inshallah. Sheikh il dit: wabil muqaranati بين كتاب آداب المشي إلى الصلاة وكتاب الإقناع للحجاوي في عدة مواضع تبين التطابق بينهما في الجملة ومن منهجه في تأليف هذا الكتاب ما يلي. Donc le Cheikh il explique que si on fait la comparaison entre le livre du Cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, les manières de marcher vers la salat ou les étiquettes de la marche vers la salat, c'est-à-dire le livre qu'on va lire ou qu'on va expliquer après avoir fait les conditions de la salat. Donc si on compare ce livre-là et l'autre livre qui est un livre de fiqh qui s'appelle Al-Iqna', écrit par un savant qui s'appelle Al-Hajjawi, qui était un savant Hanbali. Donc si on compare ces deux livres-là, sur la plupart des points, on va voir que il y a des choses qui sont semblables, il y a des choses qui sont comparables entre les deux en général. ومن منهجه في تأليف هذا الكتاب ما يلي: أولا أنه يذكر المسائل الفقهية فيه بعبارات واضحة مثل قوله في أول باب الجنائز: يجوز التداوي اتفاقا ولا ينافي التوكل ويكره الكي وتستحب الحمية. نعم. donc le cheikh il dit تستحب يكره الكي وتستحب الحمية ويحرم بمحرم أكلا وشربا وصوت ملهات لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تداووا بحرام. وتحرم التميمة وهي عوزة أو خرزة تعلق، ويسن أو يسن الإكثار من ذكر الموت والاستعداد له وعيادة المريض، ولا بأس أن يخبر المريض بما يجد من غير شكوى بعد أن يحمد الله، ويجب الصبر والشكوى إلى الله لا تنافيه بل هي مطلوبة. أي نعم، يحسن الظن بالله وجوبا ولا يتمنى الموت لضر نزل به، ويدعو العائد للمريض بالشفاء. طيب، donc le cheikh dit, donc si on compare premièrement les premiers points, on voit qu'il y a des ressemblances entre les deux livres. Et si on voit par exemple les aspects du manhaj du cheikh dans l'écriture de ce livre, le livre Adab al-Mashiyah al-Salah, si on regarde par exemple parmi les différentes questions qui sont mentionnées ou étudiées dans ce livre-là, on voit que le cheikh il utilise des expressions qui sont claires. Par exemple, au début de son livre qu'il a écrit sur les funérailles, Al-Janaiz, il dit il est permis de chercher à prendre un remède pour se guérir d'une maladie. Et cela ne vient pas en contradiction ou en opposition avec le fait de mettre notre confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Et le fait d'utiliser, le fer, comme les gens utilisent dans certains pays, comme un moyen de, comme un traitement pour certaines maladies, ils utilisent un fer chaud qu'ils appliquent à certains endroits du corps. Donc, de l'utiliser, ça c'est quelque chose qui est détestable. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui n'est pas recommandé. Puis, ensuite, il dit qu'il est recommandé de s'abstenir ou d'interdire au malade tout ce qui est mauvais pour lui et qui peut le nuire à sa santé, qui peut nuire à sa santé. Et il mentionne qu'il est interdit d'utiliser comme remède quelque chose qui est haram en lui-même, que ce soit quelque chose qui se mange ou quelque chose qui se boit, donc un solide ou un liquide. Il est interdit de l'utiliser si cette chose-là en elle-même elle est haram. Et il est également interdit d'utiliser par exemple des moyens de la musique ou des instruments de musique comme remède. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit cherchez le remède, mais ne vous traitez pas ou n'utilisez pas comme remède ce qui est haram. Et il mentionne que aussi parmi les choses qui sont interdites, il y a le fait d'utiliser des amulettes. Il y a des gens qui utilisent des amulettes comme remède, donc ça fait partie de ce qui est haram. Donc d'utiliser des amulettes ou bien tout autre objet qui est accroché ou porté sur soi comme porte-bonheur ou objet qui dans lequel on a une croyance ou qu'on pense que ça peut éloigner un mal de nous ou rapprocher un bien quelconque. Et il est recommandé de faire beaucoup de rappels de la mort, c'est-à-dire de se rappeler constamment de la mort et de s'y préparer. Et il est recommandé également de visiter le malade lorsqu'il est malade. Et le cheikh dit ensuite qu'il n'y a aucun mal et il n'y a aucun problème à ce que le malade mentionne ce qu'il trouve comme douleur ou comme problème de santé, sans toutefois se plaindre après avoir glorifié Allah subhanahu wa ta'ala. Et il est obligatoire pour lui de faire preuve d'endurance et de patience. Et il doit savoir que de se plaindre à Allah ne vient pas en opposition ou en contradiction avec ça. C'est-à-dire que qu'est-ce qui est interdit, c'est de se plaindre aux créatures. Mais de se plaindre à Allah subhanahu wa ta'ala, ça c'est quelque chose qui ne vient pas en contradiction avec la foi. Bien au contraire, c'est quelque chose qui est exigé d'un croyant. Et de même que il faut qu'il garde toujours une bonne pensée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça c'est quelque chose qui est obligatoire. Et il ne doit pas non plus souhaiter la mort pour un mal qui l'a atteint et qui est descendu sur lui. Et la personne qui visite le malade, elle doit invoquer pour le malade et demander à Allah subhanahu wa ta'ala la guérison pour lui. Donc ça c'est le premier exemple de texte des paroles de Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab à ce sujet. Deuxième exemple que le Cheikh il mentionne, ثانيا أنه يذكر كثيرا الحكم مقرونا بدليله مثل قوله في باب الجنائز يسارع في قضاء دينه وإبراء ذمته من نذر أو كفارة لقوله صلى الله عليه وسلم نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه حسنه الترمذي. Donc le cheikh il dit que le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab il a l'habitude de mentionner le verdict et de l'associer directement à sa preuve, et ça il le fait tout le temps et il le fait souvent. Et il rapporte donc encore un exemple des paroles du cheikh dans le chapitre des funérailles en donnant l'exemple suivant. Il dit que la personne qui est, lorsque quelqu'un meurt, il faut se dépêcher à payer ses dettes et à régler ses engagements et à faire respecter ses vœux et les expiations que la personne avait à payer. À cause de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans laquelle il dit, l'âme du croyant, elle est accrochée à sa dette, jusqu'à ce qu'elle ait payé, ou jusqu'à ce qu'elle soit payée. Et ça c'est rapporté par Tirmidhi, et c'est un hadith hassan. Il a été déclaré Hassan. Il a été déclaré Hassan par l'imam al-Tirmizi. Il dit وأحيانا يذكر الحكم ويشير إلى الدليل ولا يذكره اختصارا مثل قوله الجنائز ولا يمشي بالنعل في المقبرة للحديث قال أحمد وإسناده جيد. Le cheikh dit que parfois il mentionne le verdict et il indique sa preuve, mais il la mentionne seulement de manière résumée. Comme par exemple, quand il dit par exemple, encore une fois dans le chapitre des funérailles, et il ne doit pas marcher avec ses sandales dans le cimetière à cause du hadith, il ne mentionne pas le hadith lui-même, il fait juste mentionner pour le hadith ou à cause du hadith suivant. Et il dit, l'imam Ahmad a déclaré ce hadith comme étant bon. Comme point numéro 3, le cheikh il explique, il dit وأنه أحيانا يشير إلى الاختلاف في المسألة ويصير إلى ترجيح ما هو أحوط مثل قوله في باب صلاة الجماعة تجزئ تكبيرة الإحرام عن تكبيرة الركوع لفعل زيد بن ثابت وابن عمر ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة وإتيانه بهما أفضل خروجا من خلاف من أوجه خلاف خروجا من خلاف خروجا من خلاف من أوجبه. الشيخ الدي que parfois le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab il indique le fait qu'il y a une divergence au sujet d'une question, puis il va vers la position qui est la plus sûre, il prend ou il choisit la position qui est la plus sûre par la suite, comme par exemple dans le chapitre de la salat en groupe, la prière en groupe. Le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab il dit que si tu rentres dans la prière en groupe alors que les gens ont déjà commencé puis qu'ils sont dans le recours, puis que toi tu rentres puis que tu fais le takbiratul ihram Allahu Akbar, il dit que c'est suffisant, t'as pas besoin de faire le recours, t'as pas besoin de faire le takbir du recours, parce que il y a plusieurs ulama qui disent que c'est obligatoire quand tu rentres dans la salat, tu fais le takbir, takbiratul ihram, Allahu Akbar, puis tu fais le takbiratul ruku', Allahu Akbar, puis tu te mets dans le ruku'. Lui, le cheikh Mohamed Abdul Wahhab, il dit quoi? Il dit, c'est suffisant de faire le takbir à l'ihram, takbir à tout l'ihram. Il dit que ça c'est à cause de ce que faisaient Zayd ibn Thabit et Ibn Omar. C'est-à-dire, il dit que eux, ils se limitaient à faire takbir à tout l'ihram. Et il dit qu'on ne leur connaît aucun d'entre les sahaba qui les a contredits à ce sujet-là. Toutefois, par la suite, il dit que mais c'est meilleur de les faire tous les deux quand même. C'est-à-dire c'est mieux de faire les deux takbir quand même. Takbir à l'ihram et le takbir du recours. Dans le but de sortir de la divergence vis-à-vis de ceux qui l'ont rendu obligatoire, c'est-à-dire qui ont rendu obligatoire de faire takbir du recours. Donc, pour éviter la divergence et pour être dans qu'est-ce qui est le plus sûr, ben, c'est mieux de les faire tous les deux. Donc, c'est un exemple de ce que dit le cheikh ici. Le point numéro 4, le cheikh il dit وَأَنَّهُ يَشْرَحُ بَعْدَ الْكَلِمَاتِ فِي الْأَدْعِيَةِ مِثْلُ التَّحِيَاتِ التَّحِيَاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتِ ومثل سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. Donc le cheikh il explique que parfois l'imam Mohamed Ibn Abdul Wahhab il explique la signification de certaines paroles dans les du'a. Donc parfois quand il mentionne un du'a, il va mentionner leur signification. Et il dit le point numéro 5, بعد أن أورد السلام على أصحاب القبور استطرد بذكر جملة من آداب السلام والاستئذان والعطاس والتثاؤب. وأما كتاب أحكام تمني الموت فلا تصح نسبته إلى الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وهو مشتمل على أمور مخالفة لدعوة الشيخ المبنية على نصوص الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة، ولهذا فرح به بعض المخالفين لهذه الدعوة، وفيهم من عني بطباعته وتوزيعه، وقد أوضح عدم صحة نسبة الكتاب إلى الشيخ رحمه الله الشيخ صالح الفوزان في رسالة بعنوان إبطال نسبة كتاب أحكام تمني الموت إلى شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب. Donc le cheikh il explique que le point numéro 5 c'est que parfois ou bien plutôt après avoir mentionné le fait qu'il faut saluer les gens qui sont dans les tombes, c'est-à-dire dans les cimetières, on leur envoie le salam. Il mentionne certaines règles qui ont rapport avec les manières de donner le salam et les manières de demander la permission. Et lorsque quelqu'un éternue, qu'est-ce qu'on doit dire? Et les manières à adopter lorsque quelqu'un baille. Donc ça, c'est des exemples. Et il dit aussi que le livre, il y a un livre qui a été attribué au cheikh qui s'appelle Ahkam Utamani al-Maut, c'est-à-dire les règles de souhaiter la mort. Il dit que ce livre-là, ça lui a été attribué, mais c'est pas le cheikh qui l'a écrit. C'est-à-dire ce livre-là, c'est pas le livre du cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab. Et ce livre-là contient des choses qui sont en contradiction avec la da'wa du cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab. Donc elles sont en contradiction avec sa da'wa qui est basée sur le texte du Coran et de la Sunna et de ce que faisaient les salafs de cette umma. Donc quand certains ennemis de la da'wa ont trouvé ce livre, ils se sont réjouis de ce livre-là et ils se sont précipités à le publier et à le diffuser, comme si pour nuire à la da'wa et pour faire du tort à la da'wa. Mais le cheikh Salih Al-Fawzan, il a écrit un livre pour prouver que ce livre-là n'est pas le livre de Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab. Et il a écrit ce livre-là et il lui a donné le titre suivant, c'est-à-dire Ibtal ou Nisbati Kitab Ahkam Tamani al-Maut ila Cheikh al-Islam Mohammed ibn Abdul Wahhab, c'est-à-dire la destruction ou bien la preuve de la fausseté du livre, de la fausseté de l'attribution du livre Ahkam Mutamani al-Maut au Cheikh al-Islam Mohammed ibn Abdul Wahhab. Et j'ai entendu cette question-là qui avait été posée justement, si je me rappelle bien, c'était au Cheikh Mohammed Bazmoul. Et Cheikh Mohammed Bazmoul a expliqué que, en fait, il y a des gens qui ont trouvé ce livre, Ahkam Mutamani al-Maut, écrit avec l'écriture du Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab. Ils ont cru que c'était son livre. Et Cheikh, il expliquait que, en fait, à l'époque, étant donné qu'il n'y avait pas encore d'imprimerie, il n'y avait pas encore de moyens d'imprimerie disponibles dans ces régions-là. Donc les ulama, qu'est-ce qu'ils faisaient? C'est que lorsqu'ils voulaient une copie d'un livre, eh bien ils le retranscrivaient avec leur écriture. Donc qu'est-ce qu'ils faisaient par exemple? C'est que s'ils voulaient avoir une copie d'un livre, par exemple un livre d'Ibn Taymiyyah ou n'importe quel livre dans le fiqh, alors ils allaient prendre le livre puis le retranscrire avec leur propre écriture. Donc ça c'est l'explication de ça, c'est que supposément c'est qu'il a pris un livre de l'imam Suyuti, puis il voulait avoir une copie de ce livre-là, donc il l'a retranscrit avec sa propre écriture, et par la suite certains ont essayé de lui attribuer le livre, et bien entendu c'est pas lui qui l'a écrit, mais certains ont essayé de lui attribuer. Wallahu a'lam. Donc ça c'est ce que j'ai entendu à ce sujet-là. Ensuite, le cheikh il dit au sujet des résumés de livres que le cheikh a fait. Le cheikh il dit: "Unya كثير من العلماء باختصار الكتب المطولة. بغية تقريبها لطلبة العلم. ومنهم شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله." فقد اختصر عدة كتب مطولة بقي الآن بعضها مثل مختصر سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم ومختصر زاد المعاد ومختصر الإنصاف والشرح الكبير واختصاره هذا يدل على قراءته تلك الكتب المطولة ثم إبراز مختصراتها لتقريب الوصول إلى الفائدة منها وإنما جمع بين مختصر الإنصاف والشرح الكبير في مؤلف واحد لأن كلا أو كلا منهما شرح لكتاب المقنع والإنصاف شرح له في حدود مذهب الحنابلة دون مجاوزته إلى أقوال أخرى بخلاف الشرح الكبير فإنه شرح على طريقة المغني يذكر فيه أقوال الصحابة والتابعين وأقوال الأئمة الآخرين. Donc le cheikh il dit que pour terminer, beaucoup d'entre les ulama ont cherché à résumer des livres qui étaient plus longs, plus élaborés, dans le but de rapprocher les informations pour la personne qui cherche la science. Donc parmi ces savants qui ont essayé de résumer les livres, il y a le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Donc il a résumé plusieurs livres qui sont élaborés et très longs, et certains d'entre ces livres là justement existent encore aujourd'hui, comme par exemple le livre du résumé de la biographie du messager sallallahu alayhi wa sallam, et le résumé du livre de l'imam Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah Zadul Ma'ad, également le résumé du livre qui s'appelle Al-Insaf et de Al-Sharh al-Kabir, qui sont des livres de fiqh. Et le fait que le cheikh a résumé ces livres, c'est la preuve qu'il les a lus premièrement, et puis il a essayé de les faire sortir d'une manière résumée pour rapprocher les points bénéfiques pour les personnes qui veulent justement accéder à ces livres-là. Donc il a réuni entre le résumé de Al-Insaf et de Al-Sharh al-Kabir dans un seul livre. Parce que les deux sont un sharh, ces deux livres-là, Al-Insaf et Al-Sharh al-Kabir, sont tous les deux un sharh du livre qui s'appelle Al-Muqni'. Al-Insaf, c'est un sharh qui se limite uniquement aux positions du madhab Hanbalit, Al-Hanabila, sans parler des positions des autres madhahib, tandis que Al-Sharh al-Kabir, c'est un sharh qui parle en même temps des divergences et qui rapporte les positions des autres mazahib. Donc c'est un sharh qui ressemble au livre qu'on appelle Al-Mughni, qui mentionne toutes les différentes positions, les paroles des sahaba, des tabi'in et des positions des autres imams. Ensuite le shaykh il dit, pour terminer, la raison pour laquelle probablement il a écrit ce livre, c'est dans la conclusion qu'il explique. Il dit « وأقول في الختام أن بعض المؤلفات أو بعض مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله من جملة المقررات الدراسية في المملكة العربية السعودية من زمن طويل، وكنت ممن درس الأصول الثلاثة وكشف الشبهات وآداب المشي إلى الصلاة في المرحلة الابتدائية فيما بين عام 1368 و1371، ثم كتاب التوحيد بعد المرحلة الابتدائية، وكان للتعليم قبل إنشاء وزارة المعارف مديرية عامة مقرها مكة المكرمة، وكان مديرها العام الشيخ العلامة محمد بن عبد العزيز بن مانع رحمه الله، وهو من أهل العلم والفضل، وقد وضعت مناهج التعليم في ذلك الوقت. ولما أنشئت وزارة المعارف بعد وفاة الملك عبد العزيز رحمه الله في عهد الملك سعود رحمه الله، كان خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز حفظه الله أول وزير للمعارف، فأقر مناهج التعليم، ثم تعاقب على الوزارة بعده 4 وزراء، والمناهج التعليمية على ما هي عليه لم يوجه إليها تهمة في هذه العهود المتتابعة. وقبل 60 تقريبا وقبل سنتين تقريبا، وبمناسبة الحملة الحاقدة على هذه البلاد المباركة من أعداء الإسلام، اتهم بعض الذين يميلون إليهم مناهج التعليم بأنها سبب التطرف والتكفير، وما تبع ذلك من تدمير وتفجير، وهذه المناهج بريئة من هذه التهم، ومتهمهما هو المتهم. Donc on va traduire cette partie. Le cheikh il explique que il dit, pour terminer son texte, sa conférence, il dit que pour terminer, que certains des livres du cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab ont fait partie, yani, des livres qui sont enseignés dans le programme d'enseignement de l'Arabie Saoudite, le royaume de l'Arabie Saoudite, depuis très longtemps. Et le cheikh Abdul Muhsin Al-Abbad, il dit lui-même que j'ai été moi-même parmi ceux qui ont étudié Al-Usul al-Thalatha et Kashf al-Shubuhat et Al-Adab al-Mashi il-Salah. Ici, je ne sais pas s'il veut dire qu'il est parmi ceux qui l'ont enseigné ou qui l'ont étudié, parce que, mais d'après le contexte, 1376, je ne sais pas exactement l'âge du cheikh. Je sais qu'il n'est pas jeune, il est dans les 80. il a environ 80 et plus, ou plus. Donc, 1400, on est dans le 1460. C'est possible donc que ce soit parmi les livres qu'il a étudiés quand il était lui-même à l'école, lorsqu'il a commencé à étudier, comme par exemple le livre Al-Usul al-Thalatha, Kashf al-Shubuhat, Adab al-Mashi ila al-Salah. Ça, il a étudié ça au primaire. Et ça, c'est les livres qui sont enseignés au primaire. Puis, ça, c'était entre les années 1368 à 1371. Puis, par la suite, Kitab al-Tawhid, ça, c'est pour. Ça, c'est après l'école primaire. Et à l'époque, ça, c'était avant que le ministère de l'enseignement soit établi. Hein? À l'époque, c'était, disons que, avant qu'ils établissent le premier ministère pour l'enseignement, il y avait, disons, une présidence ou un bureau chef qui était à la Mecque, qui s'occupait de l'éducation à l'époque, puis le directeur général ou le directeur de l'école, le directeur général de l'éducation, c'était à l'époque le cheikh Mohammed ibn Abdelaziz ibn Mani'a, rahimahullah. Et il fait partie des hommes de science et de mérite. Et ensuite, il y a eu donc l'établissement. Oui, c'est ça. C'est à cette époque-là que les méthodes ou les méthodologies d'enseignement ont été installées et établies. Puis, par la suite, on a créé le ministère de l'éducation après la mort du roi Abdelaziz, rahimahullah. C'était à l'époque du roi Saoud, rahimahullah, al-Malik Saoud. Et à cette époque-là, le premier ministre de l'éducation, c'était Khadim al-Haramain al-Sharifain, le roi Fahd, celui qui est par la suite devenu le roi Fahd. Mais à cette époque-là, il était le ministre de l'éducation, c'était lui le premier ministre de l'éducation en Arabie Saoudite. Et le cheikh, il dit que par la suite, il y a eu 4 ministres de l'éducation qui l'ont suivi. Et le système d'éducation a toujours été sur cette même règle, hein, sur ce même modèle, avec l'enseignement de ces livres du cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, Usul al-Salata, Kashf al-Shubuhat, Adab al-Mashi ila al-Salah et Kitab al-Tawhid, et ainsi de suite. Donc, il dit, pendant toutes ces années-là, on n'a jamais fait aucune accusation contre le système d'éducation de l'Arabie Saoudite. Puis, il dit ensuite que depuis 2 ans environ, il y a eu une attaque, hein, de la part des ennemis de l'islam contre le système d'éducation de l'Arabie Saoudite. Et certains d'entre ceux qui sont dans ce pays et qui penchent vers les ennemis de l'islam ont commencé à lancer des accusations contre notre système d'éducation et à dire que c'était ce qu'on enseigne de l'islam dans ces livres, les livres du cheikh Mohammed Abdul Wahhab, que c'était la cause de l'extrémisme et du takfir, et que c'est la source donc du terrorisme et de ces choses-là. Et le cheikh, il dit que notre système d'éducation religieux, il est innocent de ces accusations-là. Et celui qui accuse, c'est lui qui est en réalité celui qui est accusé. C'est celui qui nous accuse de ça et qui prétend ces choses-là, c'est lui qui est le premier accusé en réalité. Et ça, on l'a entendu, il y en a de la part des koufars et on l'a entendu de la part des munafiqis. Donc le cheikh, il dit, « Thumma لماذا تأخر هذا الاتهام إلى هذا الوقت ولم تتهم في عهد الملك عبد العزيز والعهود بعده؟ ومن المعلوم أن الكثيرين من العلماء والأمراء والوزراء وغيرهم قد درسوا هذه المناهج ولم يحصل لهم منها إلا الخير والسلامة. Donc le cheikh il dit pourquoi ces accusations là sont venues si tard, pourquoi on n'a pas lancé ces accusations là à l'époque du roi Abdelaziz et dans les époques qui ont suivi. Et on sait très bien que beaucoup d'entre les savants, d'entre les responsables, les dirigeants et les ministres et autres ont tous étudié ce système d'éducation là et on a vu de leur part que du bien, hein. Donc le cheikh dit وَهَذَا وَإِن تَنَازَلْنَا عَنْ شَيْءٍ مِنْ أُصُولِنَا تَحْقِيقًا لِرَغْبَةِ أَعْدَائِنَا مِنَ الْكُفَّارِ وَالْمُنَافِقِينَ بِتَغْيِيرِ الْمَنَاهِجِ وَإِخْلَائِهَا عن عقيدة الولاء والبراء يسخط على يسخط ربنا ولا ير ولا يرضى ولا أين ولا يرض ولا يرضى ولا يرضي أعداءنا يسخط أين يسخط ربنا ولا يرضي أعداءنا كما قال الله عنهم ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء وقال ودوا لو تكفرون وقال ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. Donc le cheikh il dit que si nous on fait des compromis et on transige dans quoi que ce soit de nos fondements dans le but de réaliser les désirs de nos ennemis parmi les koufars et les munafiqines, en changeant notre système d'éducation et en délaissant la aqida de al-wala wal-bara, le fait d'aimer, de détester, de s'allier, de se désavouer par rapport à notre religion et à Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala sera en colère contre nous et ça ne va pas satisfaire nos ennemis. Comme Allah subhanahu wa ta'ala il le dit dans le Coran, il souhaiterait que vous deveniez mécréants comme eux-mêmes ont mécru pour que nous soyons égaux, hein. Et il mentionne un autre verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie il souhaiterait que vous deveniez mécréants. Et il mentionne un autre verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit ils ne seront satisfaits, les juifs et les chrétiens ne seront satisfaits de toi que lorsque tu suivras leur religion. C'est-à-dire, ils ne seront jamais satisfaits de toi tant que tu ne suis pas leur religion. Et il dit, Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce qui signifie, dis, ô Muhammad, la guidance d'Allah, c'est la vraie guidance. Et si tu suivais leur passion après ce qui t'est venu de la science, alors tu n'auras contre Allah aucun allié ni protecteur. Donc le cheikh il dit wa fi sahih ibn Hibban an Aisha radiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qala man iltamasa rida Allah bi sakhatin nas radiyallahu anhu wa arda anhu an-nas ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس وأسأل الله عز وجل أن يحفظ هذه البلاد وسائر بلاد المسلمين من شر الأشرار وكيد الكفار وأن يجزي شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب خير الجزاء على ما قام به من الدعوة إلى الله ونصرة الدين الحنيف وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه. Donc le cheikh il explique que dans le sahih de l'imam Ibn Hibban il y a un hadith qui est rapporté selon Aisha radiallahu anha que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui cherche la satisfaction d'Allah en mettant les hommes en colère contre lui, c'est-à-dire il met les hommes en colère contre lui en cherchant l'agrément d'Allah, Allah sera satisfait de lui et il fera que les hommes soient satisfaits de lui aussi. Mais celui qui cherche la satisfaction des hommes dans ce qui amène la colère d'Allah, alors Allah sera en colère contre lui et il fera que les hommes soient en colère contre lui aussi. Et il dit, le cheikh en terminant, il fait un dua, il dit, je demande à Allah Azza wa Jal qu'il préserve ce pays ainsi que tous les pays des musulmans contre le mal, hein, des gens qui font le mal et contre les ruses des koufars, et qu'il récompense le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab la meilleure récompense pour tout ce qu'il a fait comme da'wah et le fait qu'il a appelé à Allah et qu'il a défendu la religion d'Allah, et paix et salut et bénédiction sur notre prophète, sur le messager, notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que sa famille et ses compagnons. Donc ça, c'est la fin de la risala en question. Donc on va, inshallah, s'arrêter à ça. Et inshallah, bi'idhnillah, on continuera avec la suite. C'est-à-dire un livre qui s'intitule « L'explication des conditions de la salat, de ses piliers et de ses obligations » du Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab avec le charh du Cheikh Abdul Muhsin al-Abbad dans les cours suivants. Bi'idhnillah. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته